Audiomatique. You want. Vous avez peut-être reconnu l'immanquable chant de Douglas McCarthy, le vocaliste pour la formation Nitzer Ebb, de qui nous entendions d'ailleurs la pièce Getting Closer en guise d'introduction à cette transmission 215 d'Audiomatique. Getting Closer se retrouve sur l'album Showtime de Nitzer Ebb, sorti en 1990. Pour rendre Audiomatique signifiant, voici le projet californien Solve et sa reprise de la chanson Blue Heat de Cabaret Voltaire. too young to win a Nous entendions à Audiomatic, le groupe britannique VNV Nation, avec la pièce Collide de leur plus récent album intitulé Noir, qui explore leur formule maintes fois éprouvée, que certains pourraient qualifier d'éprouvante. Tout juste avant, le projet Solve nous interprétait la chanson Blue Heat, qui a été créée à l'origine par le groupe anglais Cabaret Voltaire. La pièce originale se retrouve sur l'album Microphonies de Cabaret Voltaire, lancé en 1984. La version du projet Solve, quant à elle, est récemment parue sur la compilation Why Kill Time When You Can Cover Cabaret Voltaire. Écoutons maintenant la formation Controlled Bleeding. Thank you. Cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique de la formation La Mecánica Popular, qui nous propose un son se situant quelque part entre le krautrock et la chicha psychédélique. De leur nouvel album Rosa Cruz, on entendait la pièce Dividuación. Et avant La Mecánica Popular, c'était la formation new-yorkaise Controlled Bleeding et Rebirth in Cameroons, une composition paraissant sur l'album Between Tides, paru en 1986. Nous poursuivons maintenant à Audiomatique avec le groupe australien Red Eye Express. Thank you. Audiomatic. Il s'agissait du groupe de Cinematic Orchestra et leur composition Necrology, tirée de l'album In Motion No. 1. Sur cet album, les compositeurs Dorian Concept, Tom Chant, Austin Peralta et Gray Reverend, avec The Cinematic Orchestra, ont composé 7 pièces inspirées par 7 vieux courts-métrages d'avant-garde. Et pour débuter ce bloc, le groupe australien Red Eye Express nous offrait la pièce Vin Del Mar, que l'on peut retrouver sur leur album Primo Nato, mais aussi sur la double compilation Past and Present de l'étiquette Tempest Recordings. C'est sur une certaine mélancolie musicale que se conclura la transmission 215 d'Audiomatic. De la formation suédoise Raison d'être, nous entendrons la pièce de Shadow of the Soul, tirée de l'album Requiem for Abandoned Souls. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter nos suggestions musicales et nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 216. Vous pouvez également consulter toutes nos anciennes émissions par l'entremise de nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici Raison d'être et The Shadow of the Soul. C'était Audiomatic avec les électrons. Thank you.